L'automne est déjà arrivé et vous voulez vous payer une bonne bouffe? Le restaurant Midas, c'est l'endroit idéal pour tous. Les hot dogs, la pizza qui font le délice de tous. Le restaurant Midas est l'endroit préféré des camionneurs et offre un tout nouveau menu pour tous les budgets. Le restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Toute l'équipe du restaurant Midas rappelle que l'achat local est important pour soutenir notre économie. Il est revenu des Maritimes, enchanté certainement de son voyage, puisque c'est trois belles victoires. On parle avec le descripteur des matchs des Saguenay-Lac-Chicoutimi, Sébastien Morin. Salut Sébastien. Salut. Hey, Sébastien, c'est sûr que c'est un beau voyage parce que l'équipe a gagné, mais voyage pour voyage, est-ce que c'est plus dull, excuse-moi l'expression, en Abitibi ou dans les Maritimes? Ben, mettons qu'il y a plus de choses à faire dans les Maritimes. Il y a plus de choses à faire dans les Maritimes que du côté de l'Abitibi, je dirais, pour la vie hors patinoire. Mais pour ce qui est du hockey, effectivement, là, les Maritimes, c'est quelque chose d'assez spécial. C'est un peu des paysans, c'est une autre culture, c'est un autre style d'arbitrage aussi. Ah ouais? C'est comme si tu jouais dans... Ah oui, définitivement. T'as le droit de frapper dans les Maritimes sans te faire pénaliser. Okay. C'est beaucoup plus physique. On tolère beaucoup plus d'obstructions, d'accrochages, les mises en échec le long des rampes aussi. C'est un hockey un peu plus physique, je dirais, que dans la Conférence Québec. Là, c'est deux arbitrages qui se différencient pas mal. Puis quand on voit les matchs midget aussi, selon les dépisteurs, c'est un peu la même chose. C'est une culture qui est très différente dans les Maritimes qu'au Québec pour ce qui est du hockey. Mais bon, tu le dis, oui, je reviens très enchanté de mon périple de 2500 km ou à peu près dans les Maritimes la semaine dernière. En fait, voyage, c'est-tu plus loin les Maritimes ou c'est l'Abitibi? En fait, voyage, là? En Abitibi, c'est dans les Maritimes définitivement, surtout celui-là. Okay. Le prochain va être un peu plus court parce que ce sera Halifax avec Saint John et Acadie-Bathurst. Celui-là, du fait qu'on se rend à l'autre bout du monde, c'est-à-dire Sydney au Cap-Breton. Juste ça, c'est à peu près 15 à 17 heures d'autobus là. 15, 16, 17 heures d'autobus avec les repas pour se rendre du côté de Sydney au Cap-Breton. Un coup rendu, c'est super le fun. C'est un amphithéâtre qui est très fonctionnel pour du hockey junior. Tous les amphithéâtres ou presque dans les Maritimes sont adéquats pour accueillir des équipes de la Ligue américaine demain matin. Donc, ils ont de très belles installations pour fonctionner, mais c'est très loin, c'est du gros voyagement. Puis de remporter trois victoires, je pense que c'est du bonus cette saison parce qu'il n'y a pas un coach qui part. Ben oui, il aimerait tout ça remporter avec trois matchs, mais l'objectif au début du voyage, là, très honnêtement, c'est bon, on va essayer de gagner le premier match, puis par la suite, ben, tout est possible. Puis bon, mais les Sags ont presque réalisé l'impossible en remportant 3-3. OK, donc dimanche, c'est une victoire, mais ça n'a pas été facile, hein? Dimanche, effectivement, ça n'a pas été facile, mais on va comprendre qu'avec les pertes de Mekhi Isaac et de Frédéric Allard en cours de route, manquaient quelques soldats du côté de la défensive. En fin de rencontre, ça a paru un peu plus. Puis Pierre-Luc Dubois, qui n'a rien fait depuis son retour des Blue Jackets de Columbus quand il a été coupé aux dernières journées du camp d'entraînement de la Ligue nationale de hockey, avait rien fait, avait un but depuis son arrivée. Bien, il en a marqué deux dans le match contre les Sags, donc a connu son meilleur match retour contre les Saguenay. Pas de vin, il l'a volé deux fois, mais vraiment volé à part de ça. C'est l'arrêt de la semaine. Excuse-moi, Sébastien, c'est l'arrêt de la semaine. Sur le site de la Ligue de hockey junior du Québec, il y a toujours des arrêts de la semaine. Puis l'arrêt de la semaine, c'est Xavier Pas de vin, là. Exactement. Puis je suis content parce qu'il travaille fort, Xavier, dans les entraînements. Il a une bonne attitude présentement. Il déjoue tous les pronostics. Tout le monde a toujours un doute envers Xavier, mais il est en train de dissiper tout ça. Très fier de lui. Puis il a été solide dans les deux des trois départs qu'il y a eu du côté des Maritimes. OK. Samedi, c'était vendredi l'autre match? Plus facile, exact, à Charlottetown. Beaucoup plus facile. Non, parce que même, on a fait face à plus de 40 lancés du côté des Highlanders, mais les Sags ont été meilleurs du côté de la finition offensive, ont été 3-3 du côté de l'avantage numérique. David Noël s'est révélé comme un remplaçant de luxe pour Frédéric Allard, qui était absent pour ce match-là, qui était blessé, Fred Allard, dans le premier match du voyage jeudi contre les Wildcats de Moncton. Noël a été excellent, un but, préparé l'avantage numérique, travaillé excessivement fort, toute l'équipe au complet, bref, ça a été un très bon match, je dirais. Puis les Highlanders, ça représente une des meilleures attaques de la LHJMQ LMQ cette année. Bon, on a accordé, oui, beaucoup de lancers, mais c'était souvent des lancers de la ligne bleue, du centre de la patinoire, pas de retour. Le jeune Cardinal qui était gardien d'office ce soir-là, voyait les rondelles, était capable de faire les gros arrêts. Le seul but qu'il a accordé dans le match, c'est un rebond de la rampe derrière qui est revenu rapidement devant. Il avait défié le lancer, mais il s'est fait déjouer par la rampe derrière lui à sa droite. Puis il y a un retour qui a été lancé derrière lui. Mais à part de ça, il a été parfait, surtout en fin de rencontre. Il a fait un très, très gros arrêt sur Philippe Schlappick, qui est un des bons attaquants du côté des Islanders. Lui aussi donne, je dirais, des munitions à Yannick Jean. Puis un autre bon gardien dans l'organisation des Saguenay de Chicoutimi. On va parler des gardiens de but. Oliu Bilia, ça commence à ressembler à Carey Price, hein? tu sais, on n'entend pas parler de rien, on sait pas quand est-ce qu'il va être de retour. Je peux te dire qu'il est supposé d'être de retour sur la glace aujourd'hui à l'entraînement un peu plus régulier. C'est un processus qui devrait prendre autour de 2 à 3 semaines dans le cas de Julio pour son retour au jeu officiellement la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais je suis pas médecin. Il y a toujours des choses qui peuvent arriver en cours de route. C'est une blessure qui traîne dans le cas de Julio Bilia. Ouais. J'ai pas tous les détails. Pour ne pas m'échapper avec toi, avec mes autres confrères journalistes, je veux pas nécessairement tous les savoir les détails nécessairement non plus. Dans le cas de Julio Bilia, on espère un retour au jeu d'ici 2 à 3 semaines dans son cas pour qu'il puisse se prouver avec les Sags. Il est arrivé en pleine forme au camp d'entraînement cette année. Il voulait revenir le meilleur gardien de but de la LHJMQ, puis il a tous les éléments nécessaires pour le faire. Il y a beaucoup de talent de Julio Bilia, en espérant que ça revienne quand il sera de retour au jeu et en pleine santé avec les Saguenay de Chicoutimi. Chose certaine, ça a donné beaucoup d'exposure à Xavier Potvin. Xavier Potvin, ce qu'on t'a pas d'histoire, là, quand il était acquis, c'est parce que c'était le garçon de l'eau. Au départ, là, tu me l'as dit, il semble travailler tellement fort, puis je suis content pour lui. Un gars qui travaille fort, puis que c'est pas facile parce qu'il est le fils de l'autre. Il y a plus de pression, puis il est en train au moins de se monter une belle carte de visite pour l'année prochaine. Là. Voilà, probablement qu'il est en train de se magasiner un poste de 20 ans dans la LHJMQ. Ouais. Il fait les gros arrêts, il a l'expérience, il porte le nom Potvin, ça aide aussi à quelqu'un. C'est pas facile. Ouais. Mais en même temps, quand tu reprends un peu, je dirais, l'air d'aller qu'il a présentement, finalement, il a dû perdre dans le nez, ça peut lui servir aussi. C'est un couteau à double tranchant. Quand ça va mal, on va dire, il est pas l'homme de son père, mais quand ça va bien, comme présentement, il a dû perdre dans le nez. Pour en avoir déjà parlé avec Xavier, il y a rien de honteux d'être le fils de Félix Potvin. Au contraire, c'est une pression supplémentaire, mais je pense qu'il s'en sert bien cette saison avec les Sags. Il fait très, très bien. Quoi, dans les 3-4 premiers, dans les stades de la LHJMQ, à 19 ans, fait les gros arrêts, on le voit partout dans les jeux de la semaine, dans les arrêts de la semaine sur les sites de la LGMQ. C'est très le fun ce qui arrive présentement pour Xavier, surtout qu'il a toujours été étiqueté en plus de ça comme numéro 2, comme gardien de but substitut. Maintenant, il est en train de devenir un gardien de but numéro 1, très fier de ce qu'il est en train d'accomplir là, pour Xavier. Et là, sans mettre de pression, puis sans vouloir dire, mais ça va quand même... Tu sais, je veux dire, Yannick Jean, à la période des transactions, risque d'être tenté au moins sans mettre Bilia sur le marché s'il revient à 100%. Au moins, écouter des offres s'il y a des offres. Tu sais, ça lui donne, définitivement. Cette possibilité-là, le rendement d'Xavier Xavier Potvin. En plus, comme je te disais un peu plus tôt, avec l'ajout de Cardinal qui a bien fait, c'est 3 gardiens calibre à la JMQ, puis 3 bons à part ça, qui peuvent donner un très fier coup de main. Des gardiens ultra dominants, là, des gardiens sure shot, il n'y en a presque plus dans la JMQ. Les Zachary Foucalé dans le temps, les Marc-André Fleury, même que des fois ça n'a pas toujours bien été dans le cas de Fleury, les Roberto Luongo jadis, les Marc Denis, les Éric Fichaud. C'est les petits Rodrigues là qui s'en viennent dans la LGMQ, ça c'en est un exceptionnel, mais tu sais il y en a de moins en moins. Tu te bats à peu près avec les mêmes armes dans toutes les équipes. Souvent c'est avec le fonctionnement, le système de jeu que les gardiens se deviennent un peu meilleurs. Chez les Sags, Xavier Potvin a acheté le système de Yannick Jean défensif travaille excessivement bien dans ses limites. Écoute, c'est vraiment formidable ce qui arrive. Puis comme je te disais, Cardinal a été été très bon contre les Wildcats. Et Bilia, bon, c'est un, sinon le meilleur gardien de but de la LHJMQ cette année. Bon, ça donne, oui, beaucoup de profondeur et peut-être de monnaie d'échange, je dirais, dans le cas d'Yannick Jean, pour la prochaine période des transactions. Parce que là, bon, t'es à 2 matchs en main et 4 points de la 6e position au classement général, malgré le mauvais début de saison encore des Sags. Les 3 victoires en 3 matchs dans les Maritimes. Les 2 matchs qui s'en viennent la fin de semaine prochaine. Bon, après ça, on verra où les Sags vont se situer à l'approche de la période des transactions. Mais bon, ça devrait être une partie de plaisir, je dirais, pour le DG Yannick Jean et son entourage là, dans le département hockey des Sags. En parlant de Yannick Jean, il y avait une rencontre, il était au défi mondial des moins de 18 ans lorsqu'on s'est parlé. Puis est-ce qu'il a parlé avec l'agent du joueur russe, là, finalement? Oui. Et puis? Oui, il y a eu une bonne rencontre avec l'agent. 55 ans? Il s'appelle Mark. Ouais, ben écoute, il veut pas. Yannick veut pas s'avancer sur des pronostics, des pourcentages. Mais de ce qu'il m'a dit, c'est que le processus suit son cours. Il y a eu de très bonnes discussions. Là, présentement, on a établi des dates. Donc, si telle date, puis je ne les ai pas ces dates-là, j'ai pas les détails complets. Si, mettons le 1er décembre, mais c'est pas ça, là. Il n'y a pas de nouvelles de German Woodsub, ben, on va passer au plan B du côté des Sags. Okay. Mais il y a un échéancier qui a été établi avec l'agent du joueur. Bon, le joueur veut jouer dans un calibre où il pourra se prouver, c'est-à-dire la Ligue canadienne, lui serait un peu plus adéquate que la MHL, qui est le circuit junior du côté de la Russie. Il y a une meilleure visibilité ici. S'il ne joue pas dans la KHL, il n'y a pas d'affaires en Russie, dans le fond, German Rupsov, je pense. Donc, c'est pour ça qu'il se rapproche de la Ligue canadienne, mais il n'y a rien de fait. Il peut avoir des revirements de situation, il peut se blesser dans le défi Canada-Russie. Il a joué hier, il a joué sur un trio un peu plus défensif, il a fait très bien dans la victoire des Russes contre les Étoiles de l'Ouest. Hâte de le voir la semaine prochaine au Centre Georges Vézina. C'est un rendez-vous le mardi prochain, le 15 à 19h, à travers le Canada au grand complet, mais c'est à deux heures de Dolbeau. Deux heures de Dolbeau. Faites le trajet, puis venez voir German Rupsov, qui pourrait être un des étoiles des Sags d'ici la fin de la saison. On aura la chance de le voir au Centre Georges Vézina mardi prochain. Okay. Mais bon, on va essayer de jouer la grande séduction à son passage, là, mais c'est pas comme dans les films, c'est pas comme dans l'Anse et Compte. On peut pas laisser des cadeaux à sa chambre d'hôtel, non. On peut pas laisser une valise remplie d'argent non plus à sa chambre d'hôtel, on peut pas payer la mafia russe pour le sortir de la Russie, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne, il y a des règlements, puis présentement, bon, on est dans tout ça, là, et les Sags, et les Flyers de Philadelphie, et bien sûr, le camp de German Rupsov. C'est surtout les Flyers qui ont beaucoup à dire là-dedans, là. Okay. Oui, entre autres, mais c'est plus comme dans le temps où tu devais envoyer une enveloppe d'argent en Russie. Là. C'est beaucoup, beaucoup complexe. C'est entre Hockey Canada et la Fédération de hockey russe qu'il y a des libérations de joueurs et tout ça. Là. C'est pas évident. C'est pas simple comme 1 plus 1 égale 2, je dirais, le cas de German Rupsov. C'est très, très, très compliqué d'amener un joueur de ce type-là en Amérique du Nord. OK. Sébastien, on s'en parle lundi prochain? Plaisir. Voilà, c'était la chronique des Saguenay de Chicoutimi avec Sébastien Mo.